I'm good. Le nouveau Sepultura, Last Time, vous êtes dans Plus que du métal, la première de l'année, avec un groupe invité, Lard of Death. Salut les gars. Salut tout le monde. Merci d'avoir accepté mon invitation, très très sympa. Bah merci à toi surtout. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. On va venir à vous, vous allez tout nous dire sur Lard of Death, et notamment la date du 14 mars où vous faites la première partie de Sortilège avec Speed Queen. On va en parler, surtout chez Paulette où manifestement vous avez des actions. Comme on disait. Allez, la petite chronique concert. Hein. Qu'est-ce qui va se passer dans le coin incessamment sous peu? Le 15 janvier, on a Sum 41 à l'atelier du Luxembourg chez Paulette. Bah tiens, on en parlait le 25 janvier, il y a une soirée tribute à Led Zepp, Led Deep Purple. Bah vous êtes. Vous allez peut-être y aller, non? Parce que, c'est probable. Enfin, on écoutera la musique, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Rocal, le 1er février, donc bah, ça c'est complet. Hein. Slipknot et BMF ont rempli la salle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours en Rocal, bah, le lendemain. Hein, Five Finger Death Punch avec Megadeth, ça c'est pas complet, vous pouvez y aller la semaine prochaine. Le 6 février à l'autre canal, on a Hypnose et le 8 février à Rombas, on a le Fofora avec nos amis Le Corps et l'Esprit qui étaient venus nous rendre visite l'année dernière. Donc ils ont réussi à voir la première partie de Lofofora. On va enchaîner du coup avec le dernier Five Finger Death Punch. Je vous rappelle, ils seront donc au Rocal le 2 février. Puis on va revenir avec vous, hein, les Lard of Death. C'est parti. Oh, stand alone. Guess I knew it all along. Yes, I knew that you were wrong. How you left when I was down. Voilà, donc Inside Out, le dernier Five Finger Death Punch. Donc, salut les gars, l'Art of Death, un groupe d'origine nancyenne de Toul Nancy. Eh bien, allez-y, présentez-vous. Donc, il faut savoir qu'ils sont cinq dans le plateau, mais le groupe n'est même pas complet. C'est le Manu, le batteur, manifestement, qui va pas venir. Oh, il nous fait des infidélités, on va pas lui en vouloir. C'est... Si, un peu. Si, quand si, même. Quand même. Il faut le charger. Faut le charger. Bah oui. Non, il répète avec un autre groupe des potes à nous. Il fait des... D'accord, donc il y en a dans le groupe qui font des infidélités à l'Art of Death. Exactement. Ouais, pour l'instant, il n'y a que le batteur. Et il est dans quel groupe? Là, c'est Encre Rouge. Ah. À redéfinir, puisque le groupe va peut-être changer de nom. Encre Rouge. Je ne sais pas. Possible. Non, c'est un groupe de bons potes. Donc, j'ai fait mes recherches. Vous êtes de 2011. Allez-y, présentez-vous. L'histoire de l'Art of Death. Bah non, pas le chanteur, il vient d'arriver. Bon, viens d'arriver. Non, je rigole. Vas-y. Bon, j'y vais. Oui. Ouais. Bon, alors en 2011, ouais, on a décidé de monter un groupe famille. Donc moi, j'ai voulu remonter un groupe parce que ça faisait 40 ans que je voulais en remonter un. Donc tu avais un groupe auparavant. Dans le temps, il y a très très longtemps. Donc c'est Michel là. J'essayais d'être musicien, ouais. J'y suis toujours pas, mais bon voilà. Donc on a essayé de remonter un groupe comme le fiston a pris un peu le virus de la gratte. D'accord. Le batteur qui est mon petit frangin, donc on a joué ensemble, on a décidé de remonter un groupe. On a commencé à faire des covers dans le garage et puis après, bon, moi j'ai toujours eu la fibre de la compo. D'accord. Et puis donc on a bossé et puis le groupe s'est étoffé, donc le beau-frère s'est mis à la basse, le gendre est venu appuyer à la gratte. Et Baptiste qui nous a rejoint après le premier chanteur. Et puis voilà, c'est parti, on a bossé. Et puis on a dit, on va se faire un album. Moi, c'était un rêve de gosse, donc on a réussi à faire ça. C'est un premier album, voilà, pour les fans, pour tous ceux qui nous ont suivis, surtout les potes et la famille. Donc un album qui s'appelle Authentique, qui a été fait en novembre 2018. Voilà, c'est si ça. J'ai bien. Voilà, c'est un truc. Ouais, à l'arrache un peu. Ouais, avec les moyens du bord, quoi, parce que c'est un pote qui avait fait le studio dans sa baraque. Et puis entre-temps, il a eu des difficultés familiales, donc c'est un peu tombé à l'eau. Donc c'est Franck qui a terminé l'album sur ordi. D'accord. Et où on a fait masteriser après. Donc voilà, c'est pour ça que c'est authentique, c'est parce qu'il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de copier-coller, c'est tout des prises directes, tous ensemble. On va écouter de façon. Et puis voilà. Deux morceaux, ok. Et donc cet album qui a été sorti en 2018, vous l'avez beaucoup défendu sur scène. Alors vous êtes allé chez Paulette. On a eu la chance de faire la première partie du groupe Absolva, les musiciens de Blaise Bellet, qui nous ont fait l'honneur la troisième fois de nous laisser faire la release de l'album avec eux en guest star. D'accord. Où c'était juste une soirée magique, quoi. Okay. Ouais, c'était une sacrée soirée là, la release de l'album, c'était sympa. C'est des bons musiciens et puis. C'est cool d'avoir l'opportunité en fait de faire leur première partie pour sortir tout ça. Ok. Et par curiosité, tiens, je rappelle donc que vous faites la première partie de Sortilège, un vieux, très très très très vieux groupe. Ouais. Hein, super pas comeback. Se cacher, c'est un très très c'est le comeback. Ouais. Comment s'est passé le fait que vous fassiez leur première partie justement? Alors là, on a la chance d'avoir pu tourner avec Absolva, avec la maison de prod FHMC. Ouais. Qui est une asso qui fait tourner des groupes, qui a fait tourner Blaise Bellet d'ailleurs, qui a fait enregistrer le DVD chez Paulette de Blaise Bellet. Oui, qui est sorti l'année dernière. Et donc ils nous ont fait confiance la première fois, donc on a eu l'occasion de faire trois fois avec Absolva. Et puis là, ils nous ont redemandé, c'est qu'ils nous font confiance, ils nous ont redemandé de faire la première partie de Sortilège. Ok. Voilà. Donc on les remercie au passage parce que. Ouais, c'est cool. Il y a un bon échange avec l'association FHMC. On arrive à, on donne de notre personne et puis du coup ils nous le rendent en fait en nous rappelant en fait quand ils ont des choses intéressantes pour nous. Donc Sortilège, c'est le côté ancien du groupe qui fait un comeback. ça nous plaît. Ouais. Ça va être une belle soirée. Comme je vous disais en off, on vous voit pas sur énormément de concerts. Vous m'aviez dit que vous prépariez un nouvel EP, d'autres raisons ou pas Là, on s'est dit, quand on a fait l'album, on a fait la release de l'album, donc on s'était donné déjà un an pour finaliser l'album, parce que comme c'était avec les moyens du bord, évidemment on est 6, donc pour se retrouver les 6 en répète, et puis concrétiser les morceaux, tout ça, donc c'est assez difficile parce qu'on a tous un job à côté, hein, ça reste dans le milieu amateur, et donc on s'était dit on va se laisser un peu de temps, et on a bossé énormément pour la release de l'album, pour finaliser l'album, pour pouvoir sortir le merch et puis l'album dans de bonnes conditions. Et après, on s'est dit, on va se laisser le temps de bosser correctement, essayer d'avoir un son un peu plus pro, peaufiner, essayer de monter un cran au-dessus. Plus propre, quoi. Voilà. Ouais, et puis, puis de travailler, quoi. Puis de continuer à faire quelque chose qui nous plaît, et puis ce qui plaît au public qui nous suit, quoi. D'accord. Donc là, on a décidé vraiment de prendre le temps. Mm. De ne pas faire ça à la va-vite pour dire on est sur scène, quoi. Moi, ça ne me dérange pas. La scène, c'est important. Mais le fait de ne pas y être pendant un moment, ça permet aussi de surprendre un peu les gens quand on arrive avec un peu de nouveauté. Et bah puis de voir les fidèles et puis ceux qui sont toujours là, quoi. Ah, puis il y avait aussi un truc important, c'était de vu qu'en fait c'était le premier, en fait, était une autoproduction, si on peut dire, c'était aussi important de nous laisser le temps de développer un peu nos connaissances concernant, en fait, les supports qu'on allait utiliser et pouvoir arriver avec un support propre. Quand on voudra aller dans un studio professionnel, on va dire, arriver avec quelque chose déjà où il y a suffisamment de matière pour que l'ingénieur son qui sera amené à travailler avec nous pour l'EP ou pour la suite ait déjà un maximum d'outils et pas trop de parasites et de déchets, en fait, dans ce qu'on va essayer de faire pour la suite. Entendu. Bah écoutez, on va écouter un premier morceau donc de cet album authentique, Love of Devil. Et puis, on continue après pour la suite, hein? C'est parti. Die, I am Devil, donc des Lord of Death. Alors, la question que tout le monde doit vous poser, trois guitares, un son quand même qui ressemble beaucoup à un groupe qui s'appelle Maiden. Non. Ah, si peu. Vous aimez tous Maiden? Oula, oui, on aime. Ouais. Ah, écoute, on est tombé dedans quand on était tout petit. Ouais. Moi, le gosse, j'aurais pourvu écouter autre chose, sinon je lui fricais la tête. Donc voilà. Non, l'effet ah, Maiden. C'est ça la bosse. L'effet Maiden, le sentiment de Maiden, non, c'est pas voulu. C'est parce que ça ressort, ça transpire de nos influences forcément dans la création des morceaux. Il y a la patte forcément. C'est pas voulu, même avec les trois guitares. Les trois guitares, alors ça, c'est la question qui était récurrente, mais on a expliqué le pourquoi du comment. C'est-à-dire qu'au début, le groupe, on était quatre. Donc le chanteur est arrivé après. Et comme mon gendre a rejoint l'équipe, comme il m'a dit qu'il jouait de la guitare, je lui ai dit, au lieu de jouer dans ta chambre, rejoins le groupe, quoi. Mmh. Et viens jouer avec nous. D'accord. Et puis c'était un moyen aussi d'avoir le moyen de pression sur lui, quoi, parce qu'il est quand même avec ma fille, quoi. Donc voilà, l'histoire des trois guitares, c'est ça, c'est pas du tout pour ressembler à Maiden. D'ailleurs, on essaye de s'en écarter maintenant au maximum, au niveau des compos. Mais bon, il y a rien à faire. C'est pas quoi. Mal non plus. Mais écoute, il y a plusieurs fois où on nous a comparé, où on nous a demandé si on faisait des covers de Maiden, ce qui est très flatteur pour moi, parce que je suis fan. Ça fait plaisir. Être comparé à un des plus grands groupes de villes du monde, quoi. Voilà. C'est clair. Donc voilà, c'est clair. Tu prends ça comme un compliment. Ouais. Après, à ceux que ça déplaît, bon, bah, tant pis, quoi. Après, mais c'est vraiment pas voulu, quoi. En soi, ça déplaît pas. C'est juste que, oui, pour la suite, en fait, on a quand même, en fait, cette étiquette, on va dire. Maiden un peu qui nous colle à la peau, donc du coup on essaie de s'en détacher en fait un petit peu pour essayer de trouver un son qui nous correspond à nous aussi, quoi, qu'on n'ait pas juste cette étiquette là. Alors Baptiste, tu l'as dit, la suite. La suite, oui, il y a beaucoup de travail. Alors, qu'est-ce que va être la suite? Alors la suite, oui, comme on le disait tout à l'heure, on a prévu en fait de faire un EP. Voilà. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail pour l'ensemble des membres du groupe, hein, parce que on travaille à 6, donc il y en a qui ont plus de facilité à composer, d'autres plus de facilité. Qui compose dans le groupe? Donc toi, je suppose que tu composes les chants. Les chants. Tout le monde. Les paroles. C'est collégial. C'est très collégial. Okay, ouais. C'est très collégial. D'accord. Donc tout le monde y met sa petite patte. Alors. Bien sûr. Okay. Et puis, je suis le chanteur du groupe, mais je suis aussi guitariste à côté. Donc, disons que ça me permet aussi, en fait, de travailler si je trouve un riff ou quelque chose, de le proposer après en répète pour qu'ils puissent le travailler aussi. Donc, non, ouais, la construction des morceaux, en fait, elle est très collégiale. Que ça soit pour le chant, que ça soit pour la batterie, basse, tous les instruments en fait sont sollicités par l'ensemble des membres du groupe. Donc c'est ça qui est cool d'ailleurs. Donc un EP, oui, vas-y. Après celui qui compose. Parle près du micro, près du micro. Celui qui compose une grande partie, c'est quand même Michel, mon père. C'est lui qui a créé les premiers morceaux avec moi. Ouais, on t'entend pas bien. Dommage. Pourtant tout est bien mis. Vas-y, continue. Je pique le micro. C'est le micro qui est pas bon. Ou ton père voulait pas que tu parles. C'était le micro qui avait une voix bizarre. C'est ça. Oui, donc je disais. Ça, c'est le chanteur. Je disais que sur la base de Lord of Death, la composition, elle s'est faite au départ avec papa et moi, du coup. D'accord. Comme il l'a dit, hein, on bricolait dans la chambre, dans le garage. Et c'est vrai que depuis la sortie de l'album, on s'est mis à tous travailler ensemble. Bon, c'est toujours lui la tête pensante, hein. Il arrive toujours en répète avec 1, 2, 3 riffs. On sait pas comment il fait, hein. Mais quand il vient avec quelque chose, c'est la musique quasi complète, quoi. Il a la batterie, la basse, 2, 3 paroles, comme ci, comme ça. Et puis après, ça se finit où on bricole tous ensemble, on donne tous notre avis, on ramène notre patte aussi sur différents éléments du morceau. Et puis après, on fait un gros mix de tout ça, et puis on retravaille. C'est actuellement comme ça qu'on bosse. D'accord. Et une fois qu'on a une base qui plaît à tout le monde, qui nous plaît à tous et qui est bien posée, Baptiste n'a plus qu'à travailler de son côté pour réussir à caler son chant et son texte. Et là, on est plutôt sur la bonne voie. Ouais, au niveau du parcours, voilà, c'est un. Après, c'est un peu une obligation. C'est, on voit qu'on nous fait confiance pour des concerts, qu'il y a des en l'occurrence FHMC qui continue en fait donc à nous proposer des dates qui peuvent devenir de plus en plus intéressantes. Donc c'est à nous aussi en fait de travailler, premièrement de se faire plaisir déjà, parce que je pense que c'est un peu la base du projet, et puis travailler pour augmenter au maximum la qualité de ce qu'on va produire pour essayer de et gagner un peu plus en visibilité, en notoriété, et puis qui dit visibilité, notoriété, échange des dates à l'avenir en fait ailleurs avec d'autres groupes quoi, ce serait bien. Donc ouais, la suite on va dire elle se focalise sur l'EP. Beaucoup okay. de travail en fait au niveau ouais. de la production pour qu'on essaie d'avoir vraiment quelque chose de très propre et pour essayer de se rapprocher un peu plus du professionnel. Et puis on relancera en fait justement en fait un peu la com autour de tout ça prochainement, parce que mine de rien c'est un peu difficile de tout garder pour soi et puis de pas pouvoir le partager avec les gens. Donc le silence il est important, et on sait qu'on reviendra, on va revenir un peu plus fort là. Déjà le 14 mars on va pouvoir annoncer peut-être un petit peu plus de choses quoi. Donc c'est en cours. Et 14 mars on pourrait entendre des nouveaux morceaux ou pas? C'est le grand dilemme. Il y a le bassiste qui rigole là-haut. Là, je pense c'est la question qu'on se pose aussi en fait. Ah, ouais. Ça risque d'être un peu court, mais on essaye d'y travailler. Mais bon, après, on verra bien. On laisse la surprise. On verra bien si on y arrive. Ouais. Mais plutôt que de. Oui, plutôt ouais, que de dire non. Voilà, on va voilà, dire. On verra. Voilà. Voilà. C'est compliqué comme cheminement en fait, parce que normalement en fait on parle en fait qu'il y a des nouveautés qui arrivent, et on sort normalement en fait le support, et on tourne justement sur ce support une fois sorti. On fait peut-être à la rigueur une annonce, voilà un morceau qui sauf que beaucoup maintenant essayent leur nouveau morceau avant de sortir l'album. Ah oui oui, bon après, ça se fait de plus en plus. Ouais. Nous on a fait en fait tout l'album avant que l'album sorte, donc disons que là voilà on essaye de recréer un petit côté un peu mystérieux autour du groupe en fait pour amener de la nouveauté, et que justement en fait cette nouveauté elle donne envie aussi à l'auditeur de venir découvrir en fait le reste du contenu qu'on pourra proposer quoi. C'est ça. Donc on va pas dire oui s'il y aura des nouveautés, mais on va pas dire non nous-mêmes, on se pose la question, ouais, on répète de se demander si on en fait une, on en fait deux, on en fait pas du tout, on sait pas trop encore ce qui le set qui sera proposé. Ok, on va écouter un deuxième morceau, Lament of an Angel, c'est bien ça, hein, je me trompe pas? Non, c'est bien ça. Eh ben on y va. c'était donc le titre Lament of an Angel. Donc encore, comme dirait, ça ressemble pas à Maiden du tout. Non, franchement non. Alors, j'ai une dernière question musicale. Est-ce que vous vous êtes dit un jour, on va composer, donc là c'est du hard rock, hein, heavy metal. Est-ce que ça vous plairait pas de partir dans une trash et autres? Ou autre? Ou rock ou autre, hein. On peut même exagérer, disco, alors, pop. Si, bon, j'ai bien ça, compris que non, quand vous avez écouté l'émission d'avant. Mais... C'est un peu toutes nos racines, hein, malgré tout. Hein. Ouais. Non, le côté obscur, on laisse ça à ceux qui savent le faire très bien. Le trash, le black, le grind. Voilà, non, c'est pas. Vous n'avez pas eu envie? Non. Non. Non. C'était ça la question, l'envie en fait. Plutôt. Non, non, sans plus. Enfin, je pense ouais, pas spécialement. Imaginons, mais bon, voilà. Quels sont vos. Bon, il y a Maiden, il y a Deep Purple. Est-ce qu'il y en a qui ont des goûts un petit peu plus. Plus extrême, différent. Ah oui, oui. Oh bah extrême, oui. Squeak, par exemple, c'est Francky Vincent, quoi. Je t'avais dit que je t'aurais. Ah, bien eu. T'as bien eu. Mais là, il fait le malin parce qu'il sait qu'au mois d'avril, il va être papy, du coup, là. Il commence à se laisser un petit peu. Ah oui, c'est Henri Dess, là. Hein. Ouais, exactement. Un futur membre du groupe, d'ailleurs. Commence à avoir les miquettes, là. Non, ouais. en style extrême, ouais. On aime quand même, en fait, écouter des fois des choses un petit peu plus costauds. Donc, on va pas dire. On n'a jamais eu en fait l'envie d'aller vers la composition de ce genre de morceau. Après, ça nous arrive d'en écouter. Par exemple, voilà, c'est un morceau de Behemoth qui passe. On va pas en fait switcher parce que c'est pas du heavy, quoi. Voilà, bien au contraire. Bien au contraire. Après, en influence, ouais, il y en a plein. Black Sabbath. Non, puis contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, en tant que musicien, moi, je peux dire que le trash, le black, tout ça, c'est hyper technique. Ah oui, c'est énormément de boulot. Je doute pas. C'est pas que du beuglement ou du gros son. Oui, c'est sûr. Un énorme travail. Et moi, j'ai énormément de respect pour ces mecs-là. Parce que quand tu les vois, en fin de compte, bah, tu comprends tout. Et c'est là que tu te dis, bah, tu te fais tout petit. Parce que toi, avec ton petit hard rock heavy, bah, c'est cool, quoi. Mais c'est vrai que c'est un milieu qu'on respecte énormément. Ouais. D'ailleurs, on a beaucoup de copains qui sont dans ce style-là. Là, je citerai au hasard One Reason Collapse, les Dusk of Delusion. Très bon groupe, d'ailleurs. Et puis j'en passe des meilleurs. Parce que des jeunes d'ailleurs qui seront présents au mois de mars pour présenter leur nouvel album. Ils sont en train de tourner leur clip là d'ailleurs. Ouais, c'est là, pour ça qu'ils d'avancer des choses. Voilà. Donc ok, bon, on va écouter. Bah, en tout cas, merci d'être venu. Hein. Je vous rappelle, Lord of Death, samedi 14 mars, première partie chez Paulette. Hein, première partie de Sortilège, pardon. Avec peut-être des nouveaux morceaux, peut-être pas, un nouvel EP qui est en préparation. Point de vue comme. Donc vous avez une page Facebook où bah, je vous laisse la parole. Vous allez faire gagner bah, une ou deux places de concert pour ce concert. Oui, je répète là. Je répète, c'est parce qu'il prend pas la parole en fait. Alors, donc en effet, donc la date du 14 mars. Donc on a décidé tous ensemble d'offrir deux places. Pour le concert, donc ça va être simple, sur la page Facebook, pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous êtes nombreux, tout à l'heure, depuis le début de l'émission, deux morceaux en fait de notre album ont été diffusés. La question elle est simple, c'est quel était le titre du premier morceau diffusé. Ceux qui ont la réponse, bah, vous mettez ça dans les commentaires ou en message privé sur la page et on fera un tirage au sort parmi toutes les réponses justes pour désigner les gagnants des deux places pour le concert du 14 mars. Et pour continuer sur ce concert, les préventes sont toujours disponibles auprès des membres du groupe. Elles sont au tarif de 24 euros, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Voilà. Moi, j'en ai disponible à mon magasin. Pour ceux qui me connaissent, bah, ils viendront les chercher au magasin. Bah, ouais, voilà. Mais, faut nommer le magasin. Le Optique Saint-Michel. Non, je ne vais pas me faire de la pub. Si, comme si, ça. Si, si, oh, si. C'est gratuit. Non, magasin Optique Saint-Michel à Toul. Voilà, d'accord, c'est le magasin Optique Saint-Michel à Toul. Ça se trouve où ça? 323 avenue Georges Clémenceau, près de la gare SNCF. À Toul. Sinon, il y en a aussi à la gare de péage de Gilles. C'est ça, hein. Non, on peut trouver des places avec tous les membres du groupe. Et puis n'hésitez pas en fait à venir prendre les vôtres parce que les annonces en fait avancent de plus en enfin l'annonce du concert arrivant 80% a été vendu voilà déjà. Et on est déjà en fait à 80% sold out donc il en reste plus énormément donc faut pas trop attendre d'accord donc point de vue comme vous avez une page Facebook oui Et c'est, ça se limite à ça pour le moment, et du coup, ça fait aussi partie. Instagram vite fait, quoi. Instagram vite fait. Ouais, ouais, on débute sur. Alors, pas mal de captations vidéo sur YouTube quand même. Aussi. Oui, aussi, ouais, on a quelques vidéos qui ont été diffusées sur YouTube, ouais. Ok, bah vous restez avec moi jusqu'à la fin. Hein, vous plaisir. Question. Il y a des bons morceaux qui arrivent. Ouais, j'ai pensé à vous là. J'ai pensé à vous. Hein, le Steve Harris qui a son groupe parallèle, hein, British Lion, qui ressort un nouvel album. Bon, on va écouter le nouveau morceau, The Burning. Hein, c'est parti. Si on pouvait avoir le même à la basse aussi, ce serait cool. Je le demande. Thank you. Voilà, British Lion The Burning. Alors, il y a une petite. Il y a une heure limite quand même pour le jeu concours. On va dire minuit. On est OK ? On est OK pour minuit. Minuit c'est annoncé sur la page Facebook. Ils n'ont plus qu'à donner les réponses. Et sinon, il y en a déjà qui ont répondu ou pas ? C'est minuit dernier quart, parce que sinon, on vous transforme en citrouille. Non, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. OK. Dans Plus que du métal, on a toujours une émission. C'est du métal, mais c'est pas du métal. Aujourd'hui. Bon, ça reste quand même du métal de Vin Townsend. Vous connaissez tout le monde de Vin Townsend, multi-instrumentaliste. Donc là, il a enlevé le project et on va écouter un dernier morceau de son dernier album MPAF, Spirits Will Collide. Bon, c'est toujours assez. Pour moi, je trouve ça exceptionnel. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, les larmes. Putain, je les entends plus là. Il y a plus de Maiden. Je connais pas le morceau. Hâte de découvrir ça. Et vous me direz après. Avec plaisir. De Vin Townsend, qui d'ailleurs sera présent au Hellfest 2020 et à l'Eurocall deux trois jours après, j'ai pas la date exacte, ils font une date avec le groupe Meshuga. Ah, ça c'est très bon ça, Meshuga. Ah oui, ça, ça, moi, ça, ah, oui, j'adore. Donc, oui, ça, tu pars quand même effectivement un peu. Mais ça par contre j'adore. Meshuga, c'est parce que c'est, bon, c'est vraiment c'est des vieux de la vieille quoi. Ah oui, c'est plutôt neuf non plus ça. Ouais, mais j'adore. Les sorties d'albums, bon, il n'y a pas encore grand chose, mais il y en a quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a le 17 janvier? On a le dernier Sons of Apollo, on a le British Lion, donc le groupe de Steve Harris. Le dernier Magnum, bah tiens, Michel, connais Magnum, toi? Oui. Parle dans le micro, reprends le micro à ton fils là. Ouais, mais tu vas chercher loin quand même. Hein, ah, bah oui, mais bon, ouais. C'est comme ça. Hein. C'est toute ma jeunesse. Ouais. On a le dernier ADX, le 7 février, il y a Sepultura, donc ils sortent leur album Quadra, dont on a écouté le premier titre aujourd'hui. Et le 31 janvier, on a un groupe Seven Weeks qui sortent un album. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, je vais vous le faire partager. Vous connaissez Seven Weeks, peut-être, les Land of Death? Non, pas du tout. Eh ben, on va écouter Solar Ride. C'est parti. Seven Weeks, Solar Ride. Alors, il y a toujours aussi, dans Plus que du métal, un vieil album qu'on décortique. C'est pas l'album le plus connu des AC/DC, c'est The Razor Edge. Bon, moi, mon anglais laisse à désirer. Non, mais rigolez pas. C'est pas amusant. Mais c'est un album hyper important parce que c'était l'album du retour en fait d'AC/DC. Les années 80, donc pour AC/DC, a été une époque pas géniale, des albums très mitigés, hein, des concerts à moitié vides. Hein. Il faut savoir que Bercy n'était pas complet à l'époque. Ils ont été dans les zéniths. Bref, AC/DC sur le déclin. Et pourtant, avec cet album, AC/DC retrouve son aura. Tout le monde se souvient de la bande-son de Thunderstruck, les riffs du début qui sont très très bons. Moneto, Sario Ready, et donc ça va, c'est des riffs très solides. Il faut savoir que c'est la quatrième plus grosse vente d'ACDC, hein, après Black on Black et Highway to Hell et Dirty Deeds. Bref, ne boudons pas notre plaisir, Thunderstruck. Thunderstruck, le célèbre live d'ACDC. Ça y est, ça commence à se finir, malheureusement. Merci beaucoup, les Lard of Death. Je vous rappelle quand même l'actualité des Lard of Death. Le 14 mars, première partie de Sortilège chez Paulette avec Speed Queen. Ah oui, un gros clin d'œil aussi à Speed Queen. Hein. Allez découvrir leur page Facebook à Speed Queen. On n'en manquera pas. Super album, c'est Je rappelle aussi, il y a un jeu concours pour gagner deux places chez Paulette. On n'oublie pas ça non plus. Et puis, je vous dis moi au mois prochain avec un nouveau groupe. Salut les Lardes. Ciao ciao. Salut et merci. Salut, merci ciao. Encore. Je me casse qu'à chaque fois je l'apprécie.